va dans tes bras, maman. C'est impossible qu'on nous sépare, maman. Je n'imagine pas ce jour où tu pars, maman. Même dans mes plus grands cauchemars, maman. Mais je sais que le temps passe, maman. Donc je marche sur tes pas, maman. T'as pris soin de ta petite fille, maman. Qui devient femme, je te remercie, maman. Je veux trouver un homme et te rendre fière. J'en fais pas des tonnes, je suis terre à terre. Je veux qu'on se comprenne, qu'on fasse la paire, qu'on fasse la paix, même en temps de guerre. Maman, maman. Oui, c'est moi ta fille, oui, c'est moi, il mène pas guerre. Maman, maman. Je vais construire ma vie, mais rester la même quand même. Maman, maman. Je veux changer ta vie comme t'as pu changer. De baba, je me revois dans les bras de baba. Je sais comment tu l'aimais, baba. Malgré toutes vos disputes, baba. Et tu sais que tu nous manques, baba. Loin des yeux, t'es dans nos cœurs, baba. Je veux un homme qui te ressemble, baba. Je le ferai aussi pour toi, baba. Je veux trouver un homme et te rendre fière. J'en fais pas des tonnes, je suis terre à terre. Je veux qu'on se comprenne, qu'on fasse la paire, qu'on fasse la paix, même en temps de guerre. Mama, mama. Oui, c'est moi ta fille, oui, c'est moi, il mène pas guère. Mama, mama. Je vais construire ma vie, mais rester la même quand même. Mama, mama. Je veux changer ta vie comme t'as pu changer la mienne. Mama, mama. T'as fait de moi ta princesse, je ferai de toi ma reine. Mama, mama. Mama, mama. Dans tes yeux je me vois. Dans tes yeux je me vois. Dans tes yeux je me vois. Mama, mama. Oui c'est moi ta fille, oui c'est moi, il mène pas guère. Mama, mama. Je vais construire ma vie mais rester la même quand même. Mama, mama. Je veux changer.